Les beaux enfants qu'on faisait en parlant, ma belle, du temps qu'on se plaisait. On ne les aura jamais. La belle maison pour nos petits garçons, ma belle, le vent dans ses volets. On ne l'entendra jamais. Ce beau voyage dans une image, tous ceux qui s'aiment ont fait le même. La même histoire en couleur ou en noir, et à la fin on pleure. Ils nous ressemblent, ceux qui un jour de vivre ensemble. C'est une histoire que je connais par cœur, mais à la fin je pleure. Les rosetés que nous avions plantées, ma belle, ne fleuriront jamais. Ni nos idées rebelles, le monde en or qu'on refaisait alors, ma belle, du temps qu'on se plaisait, on ne le verra jamais. Ce beau voyage dans un orage, tous ceux qui s'aiment on fait le même. Et puis soudain dans le train on est seul, et dans ses mains on pleure. Il nous ressemble, ceux qui un jour n'ont plus l'amour de vivre ensemble. C'est une histoire que je connais par cœur, mais à la fin, je pleure. Et les miroirs ne prennent pas garde à ceux qui les regardent. Dans ta mémoire, je suis de passage, simplement de passage. N'ont plus l'amour de vivre ensemble.